Dikomanyanga. Albert Ndouaye de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganiroa, ce journal dont voici d'abord le sommaire. Plus de 6000 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés dans toute la province de Kirundo au cours du premier trimestre de l'année scolaire en cours. Au cours de la réunion d'évaluation tenue à Kirundo ce vendredi, il a été signalé que le non-octroi des cahiers aux écoliers par le gouvernement figure parmi les causes profondes de ces abandons. Une entreprise ougandaise dénommée Jitmat Uganda Limited est très bientôt attendue au pays pour produire du sorgho et se fera construire une usine de production du sucre à base de ce sorgho. Annonce faite ce vendredi par le ministre de l'Agriculture à Gitega. Et des restes des déchets ménagers sont jetés près de la rivière Narangwa dans une aire réservée à la protection de cette rivière. Gervain de Okugayo, chef de zone Nyakabiga, déplore un tel comportement vu qu'il y a des sociétés ramassant des déchets ménagers. Vous aurez les détails dans ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. On ouvre cette édition par la page éducation. Le non-octroi cette année des cahiers aux élèves par le gouvernement, alors qu'ils en étaient habitués, l'une des causes d'abandon scolaire en province Kirundo. Ces causes ont été soulevées par les responsables des établissements scolaires dans la réunion tenue ce vendredi par le gouverneur de Kirundo à l'endroit de tous les intervenants dans le secteur de l'éducation. C'était juste pour voir comment trouver des solutions aux questions qui hantent ce secteur où au cours du premier trimestre seulement, plus de 6000 cas d'abandon ont été signalés dans toute la province de Kirundo. Les détails avec Abraham Safadi. Parmi les causes d'abandon scolaire en province de Kirundo, comme le signale le directeur communal de l'enseignement à Nega, il y a des parents qui étaient habitués à recevoir des cahiers gratuits pour leurs enfants par le gouvernement, chose qui n'a pas été faite cette année. Certains parents, suite à la pauvreté, dit-on, ont obligé leurs enfants de rester à la maison où plus de 1000 écoliers ont abandonné l'école au cours du premier trimestre seulement en commune de Nega. Une autre cause soulevée également par d'autres responsables des établissements scolaires, certains élèves qui étudient sur des écoles n'ayant pas la cantine scolaire, alors qu'ailleurs il y en a, ont été découragés. Ici, les directeurs des écoles ont souhaité que toutes les écoles bénéficient des cantines scolaires. Une autre cause très importante, c'est que les enfants abandonnent massivement pour aller travailler dans les marais repiquer du riz, car ils demandent peu d'argent par rapport aux adultes. Ici, le directeur communal de l'enseignement à Nega a fait savoir que ces enfants sont payés par jour entre 700 et 1000 200 francs au Mahou, un adulte demande une somme de 3000 francs. L'inspecteur communal de l'enseignement Abou Gabira a quant à lui signalé qu'il y a certains chefs de colline qui sont exemplaires dans la lutte contre les abandons scolaires. Sur une des collines de Abou Gabira, un chef de colline sanctionne par amende tout parent qui laisse son enfant à la maison. D'ailleurs, aucun cas d'abandon sur sa colline, continue cet inspecteur. Il a demandé au gouverneur de Kirundo de sensibiliser les administratifs à faire de la même. Quant à la directrice provinciale de l'enseignement à Kirundo, Mukapurna Leokadi, certains enseignants, au lieu de se rendre à temps sur les lieux de travail, perdent du temps en attendant des lifts, mais des fois ils sont sanctionnés. Autre problème dans ce secteur, c'est le manque de bancs pupitres, comme le signale Mukapurna Leokadi, où un seul banc est partagé par 6 élèves en moyenne, compte tenu des effectifs. Le gouverneur de Kirundo, Victor Segasago, a signalé que les cas d'abandon à Kirundo sont alarmants. Plus de 6000 cas ont été enregistrés au cours du premier trimestre seulement, ce qui a fait cette province la première dans les abandons scolaires, du moins selon le rapport du ministère de l'Éducation. Signalons que dans des réunions que cette autorité a fait avec les administratifs et les responsables scolaires, il avait souhaité qu'il y ait la campagne de retour de ses élèves à l'école, chose qui n'a pas été faite, malheureusement. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Abraham Safari de Kirundo, rendons-nous à Rumonge pour parler également éducation. L'amélioration des rendements scolaires en communes et provinces roumongaises doit être effectuée en synergie pour aboutir à un résultat satisfaisant. Telle est la déclaration d'un représentant des enseignants lors de la célébration ce vendredi pour le compte de la commune Roumongué de la Journée mondiale de l'enseignant. L'administrateur communal de Roumongué a promis d'appuyer la direction communale de l'éducation à Roumongué dans l'encadrement des directeurs et enseignants, mais aussi s'investir dans la construction des nouvelles salles de classe. N'est-ce pas, Jean-Pierre Messaco? Dans son discours de circonstances, Samuel Manakiza, qui s'est exprimé au nom des enseignants, a déclaré que pour arriver à l'amélioration des rendements scolaires en commune scolaire de Roumongué, la tâche ne revient pas aux seuls enseignants, mais à tous les acteurs concernés par le secteur de l'éducation et chacun en ce qui le concerne. Réagissant à propos, Augustin Minani, administrateur communal de Roumongué, en plus des conseils prodigués aux différents acteurs dans ce secteur, a déclaré que cette commune est prête à fournir son appui à la direction communale de l'éducation de Roumongué afin qu'elle puisse encadrer convenablement les directeurs d'école et les enseignants. Par ailleurs, reconnaissant que ce secteur fait face à plusieurs problèmes, cette autorité communale a déclaré qu'en collaboration avec les parents sur différentes collines, la commune s'active pour tenter de vider définitivement le problème de manque de salles de classe d'ici 2 ans. Même son de cloche chez Isaac Nikurio, directeur provincial de l'éducation de Roumongué, qui appelle aux parents d'encadrer les enfants à la maison, aux natifs d'appuyer ce secteur et aux responsables d'écoles sous convention de réhabiliter ces écoles dont certaines ont des infrastructures vétustes ne permettant pas la continuité des enseignements, notamment pendant la pluie. Jean-Pierre Misago, depuis Roumongué, Radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Cap sur le centre du pays pour parler agriculture. Une entreprise ougandaise dénommée Ditmat Uganda Limited est très bientôt attendue au pays pour produire du sorgho et se fera construire une usine de production du sucre à base de sorgho. Elle produira aussi des aliments, des animaux d'élevage et d'autres tel que l'indique le ministre de l'Agriculture dans ses attributions. Et le représentant de la dite usine, le chef de l'État, se réjouit de la venue des investisseurs étrangers. C'était ce vendredi lors d'une réunion qu'il avait organisée à l'intention des éleveurs des porcs venus de tout le pays. Les détails avec Gérald Vichy. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, Dodiko Prosper, qui a présenté les missions de cette entreprise ougandaise, Ditmat Uganda Limited, a indiqué que l'entreprise produira du sorgho blanc. Il a ajouté que ce sorgho pourra être utilisé pour la production de la bière, du sucre et des aliments des animaux d'élevage et d'autres. Il a précisé que l'entreprise pratiquera une agriculture motorisée et l'irrigation. Il a également souligné qu'une usine de transformation de ce sorgho sera construite. Cela étant, l'entreprise donnera des semences de ce type de sorgho aux agriculteurs partenaires qu'elle encadrera et l'achètera à ses agriculteurs la récolte de ce sorgho blanc et ses tiges à raison de 3000 francs le kilo de ce sorgho et 1000 francs le kilo de ses tiges. De son côté, le représentant de la dite entreprise, David Mola, a indiqué que ce projet coûtera 160 millions d'euros et l'usine qui sera construite produira du sucre de sorgho blanc d'une qualité supérieure à celle du sucre produit à base de la canne à sucre. Il a révélé que l'usine aura une capacité de production de 500 tonnes de sucre par jour et de 10 000 tonnes d'aliments des animaux d'élevage par semaine. Il s'agit des aliments des poules, des porcs, des vaches, des chèvres et d'autres sortes d'animaux d'élevage. L'entreprise produira aussi de l'éthanol à exporter pour gagner des devises. Il a terminé en faisant savoir que les autres productions seront vendues au pays, mais que le surplus du sucre vendu au Burundi sera vendu dans des pays voisins. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, se réjouit de l'arrivée des investisseurs étrangers et trouve que son principe est que toute bouche est à manger et toute poche de l'argent est une réalité. Il a expliqué que les agriculteurs recevront de cette entreprise des semences de sorgho blanc et de l'encadrement agricole, et ainsi ils vendront ce sorgho à cette même entreprise et auront de l'argent. C'est au moment où ce vendredi à Gitega, le chef de l'État avait organisé une réunion à l'intention des éleveurs de porcs venus de tout le pays. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isangani. Gérard Nibigira de Gitega, rendons-nous à Kayanza, où les habitants de la commune Kayanza demandent au nouvel administrateur l'aménagement des routes, surtout en ville de Kayanza, le développement du secteur agro-pastoral. Les jeunes, de leur côté, demandent qu'ils soient impliqués davantage dans l'élaboration et la réalisation des projets de développement de la commune. Rémi Tshishahayo, gouverneur de la province Kayanza, invite le nouvel administrateur de la commune Kayanza à éviter le népotisme et le favoritisme dans l'accomplissement de sa mission. Les détails avec Patrick Senghioufre. Le décret présidentiel nommant le nouvel administrateur de la commune Kayanza a été signé le 8 décembre l'année passée. Ce jeudi, le gouverneur de la province Kayanza a procédé à sa présentation devant la population de la commune Kayanza. Rémi Chicha, gouverneur de la province Kayanza, a demandé à Godefroy Nionizigiye, son nouvel administrateur de la commune Kayanza, à éviter le favoritisme, la corruption, mais plutôt servir le peuple qu'il dirige, sans discrimination de quelque nature soit-elle. Les habitants de la commune Kayanza de l'air côté demande au nouvel administrateur de la commune Kayanza le réaménagement des routes, la réglementation des prix au marché et le développement du secteur agricole. C'est au moment où les jeunes demandent à Godefroy Nionizigiye qu'il soit impliqué davantage dans l'étude et la réalisation des projets de développement, ce qui d'après eux réduirait certes le taux de chômage chez les jeunes. Godefroy Nionizigiye a dans son discours promis de développer la commune Kayanza dans des différents domaines et a fait savoir également que dans l'accomplissement de sa mission, il évitera toute forme de favoritisme envers la population qu'il dirige. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'actualité continue sur Isanganiro, place à l'environnement. Des restes des déchets ménagers sont jetés près de la rivière Nahangwa dans une aire réservée à la protection de cette rivière. Que ce soit du côté de Kigobesut Extension, que ce soit du côté de la zone Nyakaviga, Gervais Ndiokugayo, chef de cette zone, déplore un tel comportement vu qu'il y a des sociétés ramassant les déchets ménagers. Il appelle ceux qui habitent dans cette zone à s'adresser aux autorités à la base en vue d'une intervention des sociétés de ramassage plutôt que les jeter n'importe où. Les détails, c'est dans ce reportage de Mary Kanyang. Ces restes des déchets ménagers sont visibles du côté de l'avenue Mukarakara à Kigobe Sud Extension. C'est non loin de la rivière Nahangwa dans des arbustes plantés pour soutenir cette rivière. Du côté de la zone Nyakabiga, ces déchets ont été jetés à plus de deux endroits et c'est non loin de l'avenue de l'imprimerie. Ces déchets ménagers éparpillés dans différents coins sont connus de l'administration zonale. Ce problème, nous le connaissons. Nous organisons déjà des réunions relatives avec les autorités à la base. Cela prend de l'ampleur, car si on regarde dans différents endroits, on voit que l'on jette ces restes ménagers. Je ne sais pas encore si ce sont des vendeurs ou des passants, mais pourtant, on a mis des poubelles publiques. Malheureusement, certains n'ont pas encore compris leur bien fondé. Gervais Ndiokugayo, chef de zone, appelle ses habitants à s'adresser aux autorités de base. Si les saletés ne sont pas collectées, au lieu de les jeter en désordre. Je peux résumer ce comportement en trois temps. Soit un habitant ne peut pas se soucier et il déverse ses restes dans la rue, canalisation ou rivière. En second lieu, ces sociétés peuvent être en retard suite à un tel ou tel problème. Ensemble avec les autorités à la base et la police, nous prenons des décisions. Nous appelons la population de cette zone chaque fois à s'adresser aux chefs de 10 maisons et ainsi nous aurons leur doléance afin d'en parler aux sociétés ayant signé de contrats de ramassage des déchets ménagers. Le chef de zone Nyakabiga en commune urbaine de Mukaza met en garde toute personne qui continuera à jeter ses déchets dans des endroits non indiqués. Quelques brèves sportives avant de boucler ce journal. Début ce samedi au chef-lieu de la province Kayanza du championnat de Ligue intérieure de volleyball où 14 équipes, dont 6 équipes féminines et 8 autres masculines, ont croisé le fer dans l'après-midi en quart de finale. La phase de mi-finale et finale sont programmées pour ce dimanche. Les équipes qualifiées affronteront dans le championnat national, les équipes de volleyball de Bujumbura. Général de brigade Serge Nakavura, président de la Fédération nationale de volleyball, indique que le championnat est organisé dans le but de détecter les talents des joueurs de volleyball dans les équipes de l'intérieur du pays. Et c'est ce samedi 13 janvier à 22h que s'ouvre la Coupe d'Afrique des Nations de football année 2024. Le premier rendez-vous de cette Coupe d'Afrique des Nations opposera la Côte d'Ivoire, pays hôte, à la Guinée-Bissau. Frapper un grand coup d'entrée pour faire un premier pas vers la qualification. Tel est l'objectif ce samedi de la Côte d'Ivoire du sélectionneur français Jean-Louis Gasset. Ces sélections qui vont discuter le match d'ouverture de la CAN 2024 sont dans le même groupe A avec le Nigeria et la Guinée équatoriale. A signaler aux amateurs du ballon rond que ce match d'ouverture de la CAN 2024 vous sera transmis en direct sur les ondes de la radio Isanganiro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Albert Ndouaye pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikubanyanga. Les autres émissions continuent sur les ondes de la radio Isanganiro. Isanganiro.